je vais me souvenir toute ma vie du 11 mars. 11 mars. Là, vous vous dites, ben c'est certain, il s'imagine, il se croit le 11 du mois de mars. Puis on est le 26 mai. Quelle émission ça va nous faire, ça? Ben non, non, non, non, non, non, non. Madame, mademoiselle, ne vous en faites pas. Je sais très bien quelle journée nous sommes. Mais mon histoire, mon plan séquence, mon arrêt sur image, plutôt arrêt sur image, oui, puis plan séquence aussi, se transporte le 11 mars 2016. Mais avant de vous raconter cette anecdote des plus savoureuses, elle ne l'était pas savoureuse avant, mais je vais vous en mettre des ingrédients qui vont vous donner le goût d'y mordre à pleines dents. Mais avant, ne plaçons pas avant les yeux. Non, c'est quoi? Ouais, c'est ça. N'avançons pas le nez avant les yeux. T'es sûr que c'est l'adage indiqué, là? Ben, il me semble que si on me l'a appris de même. Non, c'est les bœufs. Ne plaçons pas la charrue avant les bœufs. Quoique, je préfère les yeux avant le nez. Mais oui, mais il n'y a pas de référence là-dessus. Alors donc, les yeux, oui. Les bœufs en avant, les chariots en arrière. Donc, ne plaçons pas la charrue avant les bœufs. Et disons, nous, mes amis, que nous sommes le 26 mai 2017. Monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki, mais avant que le kiki commence, je vais vous faire entendre le générique à partir du début, car la voix que vous entendrez dans quelques secondes, mais c'est mon invité pendant deux semaines, du 26 mai jusqu'au 2 juin. 2 juin, c'est mon anniversaire, donc ce sera une émission tout à fait spéciale, décalée. Ben là, décalée, c'est tout à décalé. Mais toutes les chansons de la semaine prochaine seront les pièces musicales que j'adore, que j'ai écoutées pendant ma vie entière. Donc, l'ego, on va l'oublier, mais je me consacre une émission. Je suis mental de dire ça. Mais là, nous ne sommes pas à ce moment-là. Nous voilà le 26 mai. Alors, monte le volume et hume la différence. C'est parti. Mes kiki. Mon kiki. Petit rénal de CKRL. Attends, oui, madame. Petit rénal de... Oui. Mais il faut que tu bloques ça ici. Merci. Comme ça ici. Voilà. Comme dans la règle de l'art, la jeune fille, Lise Van Dock, que nous entendrons aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc, laissons la place à l'artiste. Petit rénal de CKRL. Oh. Ah oui. C'est le nom de la radio, en fait. Pour ceux qui savent. Oui, mais en plus, c'est... C'est les vacances, bonne nouvelle, avec Pauline et puis Garance. Nous voilà bien, nous voilà belles. Faut pas chercher trop loin. Même si c'est sûr qu'à la radio, on ne sait pas Mysterioso par rapport à Belle. Fais-nous confiance, c'est KRL. Passe le bonjour à Marc Chabot, qui à Québec est un de mes potes. Fais-lui plein de gros becs. Un jour je t'épouserai, Québec. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Merci beaucoup. 11 mars. Je ne sais pas si les gens se rappellent de cette journée. C'est un samedi. Samedi, là, un samedi très froid. Très, très froid. Il faisait au moins moins 58. Entre moins 58 puis moins 200. Je sors à l'extérieur pour acheter un cadeau à une jeune fille. qui fêtait le 11 mars son quart de siècle. Donc, il faut que je passe au guichet automatique. Parce que acheter des bidules, acheter quelque chose pour une fille de 25 ans, pas si évident que ça, là. Un gars, c'est pas compliqué. Hey, une bouteille de cognac, une bouteille de gin, une fille. Oh, champagne, huiles essentielles, au thé du Sahara. Ça n'aurait pas pu être un autre jour parce qu'il faisait tellement froid que lorsque j'ai mis le pied à l'extérieur, l'autre n'a pas voulu suivre. Là, je commence à y parler sérieusement. Oui, embarque en avant de l'autre. Embarque en avant de l'autre. Oh, vas-y. Bon, il a fait la gueule quelques secondes. Là, j'ai dit, sinon, si tu ne sors pas, là, puis que je reste à l'intérieur à cause de toi, tu vas en manger une. M'en prendre la hache, m'en te la couper, moi. Une béquille va suivre, mais si toi, tu veux pas enchaîner, fais-toi-en pas que moi, les membres de mon corps qui veulent pas suivre, j'arrache ça. Bon, vous allez dire c'est extrémiste, mais je me considère comme 500% extrémiste. J'étais prêt, moi, à la couper, là. Non, je la couperai pas court, mon histoire, là. Courte. J'ai compris que courte, une histoire, courte. Je vais vous relater sans même en mettre trop. Puis pas assez, c'est quand? C'est trop, c'est comme pas assez. Lorsque mon pied a décidé, il a eu peur, lui, là. Il s'est dit, ben, je vais mettre la jambe dehors. Elle tremblait, sa jambe-là. Hey, anciennement, moi, là, j'avais des jambes de bûcheron, tu sais, avec la graisse. Là. Puis aujourd'hui, ben, j'ai des jambes de cancéreux. Ça sort, puis ça frétille un peu comme. Là, tu te dis au mois de mars, voyons donc, j'ai quand même mis mon manteau chauffant. 3 degrés de chaleur. Mais je l'ai mis au maximum. Je l'ai placé au maximum. J'ai dit, tant qu'à estimer, on va estimer. Mais j'ai estimé que j'ai pas assez estimé. Puisqu'il faisait quand même, malgré tout ce qui se passait à l'intérieur de ce beau vêtement électrique, bon, c'est de la froidure. J'en revenais pas. Puis, vous savez, la petite bande dessinée, là, le petit pingouin qui pleure les larmes de son corps, puis ça sort en glace, là. J'avais des larmes en glace. Puis pendant tout l'hiver, ça ne m'est jamais arrivé. Puis dites-vous en affaire, dites-vous quelque chose. Je commence à travailler à 15h et je finis à 23h. Donc le soir à 23h, c'est souvent très froid, mais ça n'a jamais été aussi froid qu'au moment où je suis allé chercher de l'argent au guichet automatique pour l'anniversaire d'un quart de siècle. D'une fille d'un quart de siècle. Là, je trouvais plus intéressant, important, des sous, de la monnaie, du papier de mignonne, de l'argent, parce que là, c'est bien beau, un quart de siècle. Mais lorsque je vais lui donner, je vais bien stipuler, ouvre-toi un compte de banque. Parce que lorsqu'on va fêter ton autre quart de siècle, donc un demi-siècle, il risque d'avoir eu du bistouri là-dessus, hein? Pour ressembler à une petite poupoune de 30 ans, là. Les petites bijoux qui redescendent, ils vont remonter, comme ça, mais c'est bien parce que ça va provoquer un sourire permanent. Là, les gens vont dire, il y a rien de moins, hein, là. Elle a toujours un sourire. Ben oui, je suis allé voir mon plasticien. Il me semble qu'il a mis trop de collagène. Ça ne veut plus descendre. Puis je suis sûr que dans ce collagène, là, il a rajouté. Ben, approchez-vous, c'en est gênant. Là. Approchez-vous de votre radio. Il a rajouté de l'hélium. Parce qu'on dit, oui, de l'hélium. Lili. Il va te monter, Lili. Poup. Il va monter, Lili. Lili. Poup. Moi, j'ai pris un visage, Je me suis commandé sur Internet des gens de calacos, là, mais des calacos qui jouent, si tu compares à l'autre, là. Et lui, c'est discret, hein? J'en ai acheté 3. Là, on entend 2. On va entendre les 3. On dirait des serpents à sonnette. Faites chanter les serpents à sonnette. Ding, ding. Non, c'est, on peut pas. C'est trop doux pour mon émission, moi, qui est rock'n'roll, là, puis qui veut que ça arrache, là. Ça pourrait faire plaisir à un nourrisson. Regarde, c'est mon oncle. Et c'est... Tandis que ça, c'est... Hey, c'est mon oncle. Oui, réveille, c'est mon oncle. Oui, après, mon oncle. Dis mon oncle. Ben oui, mais il y a 2 semaines. Ben, écoute, on n'est jamais trop prévoyant. Il faut apprendre à parler très, très tôt. Je veux que ça devienne un orateur pour un politicien. J'aimerais bien. Donc, on va lui inculquer les bonnes manières pour que ça devienne le premier politicien honnête, sincère, humaniste. Le premier au monde. Ce sera mon enfant. Pour commencer à étudier en politique, hein, pour connaître les stratégies, les rouages. Pour ensuite de ça, quand tu connais tout ça, tu peux les défaire. Si tu ne connais pas, comment tu veux défaire quelque chose que tu ne connais pas? Par exemple, la recette de sauce à spaghetti, si tu veux te la prêter à ton profil, il faut que tu connaisses la base de la sauce à spaghetti. Bien beau vouloir mettre du beurre d'arachide et des champignons magiques, mais si tu ne sais pas que normalement, il n'y en a pas de beurre d'arachide, c'est de la tomate. Tu t'es caché. C'est le poivre, bien des épices. Oh, il y en a qui rajoutent des légumes. Quoique quand tu abrases, tu as l'air d'un légume. Ça va, ça saisit pas. Ben oui, mais c'est pas un carré au sucre que tu fais là. C'est pas du fudge. C'est une sauce à spaghetti. Non, mais elle doit pépaissir. Ben oui, il tourne. Arrête de cracher dedans. Si tu veux que ça épaississe, arrête de placer de la salive. Puis achète-le déjà préparé, tu te compliques la vie, t'es pas bon en cuisine, t'es pas bon. Hein, fonctionne pas. Donne-toi des chances. Prépare-toi un verre d'eau, pas de glace. C'est un début. Il faut se créer une carapace. Mais avant de se créer une carapace, il faut croire en soi. Puis si tu commences avec des recettes comme un coq au vin, tu vas te perdre, là. Tu vas te perdre partout. Le verre d'eau, pas de glace, pas compliqué. Tu demandes à ton invité de la glace, de l'eau. Non, ben, là, j'ai dit pas de glace, fait que t'en parles pas de glace. Non, excuse-moi, j'ai perdu la glace. J'ai glissé dessus. Et puis, ouais, ton histoire de... Non, attends un peu avant, l'eau. Ben, tu demandes comme un steak. Mais commence pas par le steak. L'eau au débat. Tu dis tiède, froide, tablette, là. De l'eau tablette. Oui. J'ai placé de l'eau dans un pichet. Ça fait 3 semaines. Puis, elle est stagnante. Puis, c'est de l'eau tablette. Pas mis ça dans le frigo, pas dans le poêle, pas dans le four, nulle part, sur la tablette. Ouais, il me semble que ça fait longtemps, 3 semaines. Ah, ça, c'est comme le bon. Tu connais pas l'histoire de l'eau? Moi, regarde, je suis moi spécialiste de l'eau, je commence à la base. De l'eau qui a été tranquillisée dans un pichet, sans vibration, sans musique, sans rien. Juste. Comment tu appelles ça, le son, là? Les chiens entendent ça, là, le zonard. Ah, moi, j'ai du zonard agricole. Oh, aïe, aïe. La misère à me pencher. Aïe, aïe. Puis quand je me penche, je me fais penser à l'histoire au moment quand j'étais en prison. Mais c'est quoi, donc, de l'ultrason? Mon eau, mon pichet, c'est nourri à l'ultrason. Hey, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas de l'eau source, de l'eau embouteillée pour les imbéciles. Moi, vous achetez de l'eau. Hey, c'est gratos, de l'eau, là. Ça coule du robinet de la Chantepleur. Imbécile, arrête d'acheter de l'eau. C'est une industrie qui est florissante. C'est normal. Tellement sur la planète, tellement de... qui vivent à côté de moi, tellement de... qui respirent la même... Puis Puis mon eau, moi, qui est là dans le pichet, qui s'est amourachée de l'ultrason, et lorsqu'elle se videra dans un verre, elle fera une musique des plus extraordinaires. Pour la première fois, c'est CKRL à la radio. Donc, c'est CKRL pour toutes les premières fois extraordinaires. Ça se passe ici chez nous. Vous allez entendre de l'eau qui ne descendra même pas dans un verre. Mais vous allez être en contact avec cette eau qui a été nourrie à l'ultrason depuis 3 semaines. Ouvrez l'oreille. Ouvrez l'oreille puis ouvrez le son un peu. Okay? On y va? À 3. Vous allez sentir le bien-être sans même en y goûter la moindre goutte. On y va. 1, 2, 3. Ouais. Ouais. C'est rafraîchissant. C'est un son qui est rafraîchissant. Ça fait du bien. C'est un avant-goût de l'été. Mois de mai de même. J'en veux tout le temps. Fin de mai de même. Pardon? Un fin de mai de même. Oui, un fin de mai de même. Oui, j'en veux tout le temps. Hey! C'est humide. Ça humidifie la sonorité. C'est beau. C'est bon. C'est chaud, il y a du soleil chez mon voisin, il y a du soleil. C'est pas demain, c'est une histoire qui me fait du bien. C'est une... Ça a pas de son. C'est une histoire qui vient de loin. C'est une histoire qui me fait du bien. C'est une histoire pas pour demain. Les dégonflés, restez dégonflés. Alors, je récapitule pour les nouveaux arrivants de cette émission. 11 mars, dans quelques mois, guichet automatique, un quart de siècle, argent dans un compte de banque pour, éventuellement, chirurgie plastique de la jeune fille. Hey, tu as résumé ça, mon champion, comme d'un scénario universitaire en étudiant en scénarisation cinéma. T'es bien intelligent. Tu vas aller loin dans la vie. Je te souhaite tout ce que tu veux et également éloigne tout ce que tu ne veux pas. La semaine prochaine, toi, tu vas fêter quelque chose de très beau. J'espère d'être là pour t'embrasser et te dire de continuer ton très, très bon travail. Et je dois m'en aller. Je suis un personnage qui n'a jamais existé à cette émission et on ne l'a pas encore placé. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je connais même pas ma vie, donc bye-bye. Hey, hein? Il y a des oiseaux de passage et il y a des personnages de passage. Peut-être qu'on va le réinviter. Non, mais il est émouvant. Merci beaucoup. Hey, on a même la voix, mais je pense pas qu'on sera capable. Je crois pas qu'on va pouvoir la refaire. On verra. Donc, le compte de banque, mini, je reviens à la maison, congelé dans un bloc. On m'avait ramené un camion de courrier, exactement. On peut pas la nommer, mais un gros camion de courrier m'a livré chez moi un samedi. On va placer dans le studio de CKRL, pas de CKRL, mais de la rue des Abbesses, assis, en attendant le dégel, avec un seau en bas pour accueillir l'eau quand même. Puis malheureusement, ce n'est pas de l'eau à l'ultrason, donc ça faisait mal lorsque ça fondait. On a placé le micro ouvert. Mon doigt était dirigé, il était gelé bien sûr, il était dirigé vers le CD numérique. Et tranquillement, j'ai commencé à dégeler. Et me voilà maintenant! Ta-la-la! Hey, ça a pris du temps! Du 11 mars jusqu'au 26 mai, ben oui, il faut, ça prend le temps que ça prend. Faut pas précipiter les choses. Puis avant de la précipiter, la chose, j'aimerais tellement, tellement vous faire entendre une belle chanson. Parce que c'est beau des chansons, mais ça dépend lesquelles. Là. C'est pas tout le temps beau, là. Les gens qui me disent, là, hey, on va écouter de la belle musique. C'est pas la même beauté pour chacun. Il y en a pour qui, là, c'est... ça glisse. Et pour d'autres, ça brûle. Mais dans mon cas, j'espère que ce que vous allez entendre sera fleurissant. Mais avant, bien sûr, top générique. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Culien Omari, oui, on l'excuse. Non, mais c'est le nom de l'artiste. Culien Omari. On m'aurait-tu, mon homme? Comment ça, on vous aurait-tu? On m'aurait-tu? J'ai passé dans la rue et les piétons se sont arrêtés, la main devant la bouche, et on m'aurait dessus. Ben voyons donc. Pas gentil. Ah, c'est pas gentil. Moi, je pleurais sur eux. Ah, mon Dieu, on vous riait dessus, puis vous pleuriez sur eux. Ah oui, ah oui. Alors, l'artiste Culien Omari. Voyons donc, Omari, encore tu, non? Vous nous interprétez une chanson. On vous revient après. Tranquillement, comme ça. Wow. Hey, c'est un enfant de Freddie Mercury! C'est pas merveilleux? Je vous reparle, je vous renomme le nom du chanteur, Cullen O'Mahony. Mais maintenant, on va laisser la place à la francophonie avec une chanteuse qui mérite une place prépondérante dans mon émission, puisque je l'adore et elle est très représentative de ce que je veux donner comme élan à Errance Rinaldienne. Quoi? Une richesse. Oh, j'ai trouvé le mot exact. Elle s'appelle Catherine Ribeiro. Une chanson d'il y a quelque temps à peine. Dis-moi que tu m'embrasses. Dialogue muet. Bon, silence. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt ? On est prêt ? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne ? Cadré ? Oui, monsieur. Ça tourne. Action ! Cinéma. Il y en a un qui disait, il y en a une, Anaïs Nin, dans une époque où la tromperie est partout, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Je me suis rendu compte que je l'ai déjà mentionné à mon émission il y a quelque temps. Une autre phrase, Monsieur Anonyme, on y connaît-tu les Monsieur Anonymes? Il y a aussi Madame Anonyme. Madame Anonyme qui ne veut pas se présenter car elle est trop timide. Intime. Est trop intime, cet anonyme-là, avec le public. Donc, quand tu es public, souvent, il t'a d'autres opinions que ce que tu laissais, que tu disais depuis des années. Non, mais j'ai manqué la courbe. L'avez-vous remarqué? J'avais une direction intellectuelle, puis oups, il y avait une petite flaque, puis je me suis mis les deux pieds dans la flaque. Bon, vous pouvez remplacer la flaque par... oui, exactement, vous avez tout compris. La pelure de banane. Parce que la pelure de banane... L'avez-vous déjà essayé? Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe qu'une une pelure de banane fait glisser? Pourquoi pas un concombre? Moi, j'ai plié sur un concombre, il est grappoutillé. Mais la pelure de banane, c'est peut-être sensé, là. Je ne le ferai pas devant vous. Je ne le serai peut-être jamais. Mais c'est comme quelque chose d'adhérent, mais à l'intérieur, il y a comme une couche, une sève qui fait glisser le velcro, un pseudo-velcro qui est sur le dos, qui embrasse la bédaine, qui embrasse la banane. Le double sens. Qui embrasse la banane et qui fait glisser la personne, puisqu'elle croit qu'elle adhère, mais la sève ou le nectar ou je sais pas quoi, là, la substance entre la pelure, elle... Eh oui. Et on comprend absolument rien. Mais voyons donc, il y a deux couches, pas compliqué, deux couches. Une qui adhère, on va dire un velcro, et celle sur le dessus, où on met le pied. Puis entre ça, il y a comme une gélatine, tu sais, une gélatine. Et quand tu mets le pied, mais là, ça écrase tout ça et ça fait sortir la gélatine et c'est pour ça que tu glisses. C'est assez simple, celle-là. Même un enfant de 2 ans et demi, là, qui a son cours à l'Université Laval, comprend ça. Mais oui, un enfant de 2 ans et demi, lui, il en accepte. Toutes les universités ont besoin d'argent. À tout âge, tu peux aller à l'université. T'as pas fini ta maternelle, va à l'université. En garderie. Tu vas en apprendre des belles choses. Et quand tu vas arriver à la maison, tu vas dire à ton père, « Papa, moi, Étienne, 4 ans et demi, je m'appelle Étienne. Étienne Boyer. Ma maman ne voulait pas que je m'appelle Boyer, elle voulait que je m'appelle son nom à elle. Mais... Ça, mon papa ne voulait pas prendre les deux, Étienne Boyer, au moins, c'est trop long à écrire. Puis mon papa m'a dit que dans quelques années, il n'y aura plus d'angle pour écrire. Ça va être sur les claviers, puis les claviers vont s'user trop vite si on met un nom trop long. Mon papa, c'est intelligent. C'est intelligent. Mon papa, lui, il est professeur à l'Université Laval en philosophie. Il en réfléchit, hein? Il réfléchit beaucoup. Puis mon papa. L'émission, oui. Ben, laissez-moi parler. C'est comme ça que les bégaiements, les gens des bégayements, Lui, il m'apprend toujours des bons mots pour que j'épate les amis. Il y a Mohamed, lui, il s'est dit, lui c'est tout. Avec mon papa, on a fait des fusées miniatures. Puis j'ai expliqué toutes les histoires des fusées miniatures, la traînée, oui, les moteurs à l'intérieur, l'expulsion. 4 ans et demi, le vocabulaire. Là, l'autre dit Il était une grenouille peut-être avant. Merci. Mais mon papa. Ça, c'est les Timendio, les maudits pitous. Mais mon papa à l'université, il est même directeur de philosophie. Il dirige toutes les philosophes d'université. Là, j'ai perdu des auditeurs, là. Hein? Non, restez des nôtres, On va barrer la porte, barre la porte. Colle la radio, ils changeront pas de poste. Le petit gars va s'exprimer. Vas-y, mon petit gars, 4 ans et demi. Ah oui, 4 ans et demi, mais vas-y. Arrête. Arrête quoi? On va trop vite. Non, mais est-ce qu'on peut laisser la place à... Tu feras ton émission plus tard le matin, là. Hmm? Non, mais maintenant, c'est des adultes. Mon papa m'a dit que je serais un adulte un jour. Ben oui, c'est vrai. C'est pas un fou. Ben non, c'est un philosophe, une lignée. Comment ça, tu changes de... Tu commences à avoir la grippe. Et chez nous, là, on est... plus on a la grippe, plus ça va rapidement. Une grippe, ça dure 1 heure et quart. Hein? Ils disent 4 jours soignés, 4 jours pas soignés. Non, c'est 7 jours. 7-7. 7-7, 14. 4 plus 1, 5. Hein? La numérologie. Expliquer aux imbéciles. Bon, les... Petit, merci, bravo, félicitations. Parce que t'es un bon personnage, mais répétitif de même, là, on perd du public. Puis on a besoin de notre public. J'en ai 2 qui m'écoutent, là. Puis c'est les 2 plus importants au monde. Merci à vous. Mais avant tout, qu'est-ce que vous voulez dire, non? Oh, ça c'est bien quand on perd la carte. Je l'ai pas perdu, je l'ai dans ma main. Mais c'est parce que j'ai perdu l'endroit où je pointais avec mon doigt parce qu'on me demandait l'heure en même temps. Tu sais, la vieille blague, l'heure. Le gars a un verre d'eau, puis il verse le poignet en regardant là, puis oh, il n'y a plus d'eau. Puis il est dans le désert de Sarah Bernard. Il fait chaud dans le désert de Sarah Bernard. Êtes-vous déjà au moins à 1000 pieds? Avez-vous 1000 pieds dans le désert de Sarah Bernard? Wow. C'est quelque chose. C'est un personnage. Sarah, ça n'a rien à voir avec Bernard. Oh! Puis c'est pas le Bernard, là, avec la cuve en dessous du le baril, là. C'est pas un saint, lui, là. Quoique Sarah, elle a deux enfants. Oh, magnifique. Nick et Pic. Oh! Nick et Pic. Puis c'est pas des souris qui sont en ballon dirigeable. Elle voit l'affaire. En voyage! J'ai mes gargantes. J'ai acheté ça sur eBay. Soit que je me casse sur la tête. Avant la fin de l'émission, ou bien, pourrait servir, peut-être d'accessoire décoratif. Parce qu'ils sont beaux, c'est beau, c'est, on peut pas dire que c'est esthétiquement. Je préférerais, là, peut-être une bouteille, pas de bière, une bouteille quelconque, peut-être de vin, une bouteille de vin avec des pois à l'intérieur ou du maïs soufflé parce que le son serait pas le même. Mais ça, c'est pas. Le sapin à sonnette. Bon, écoutez-le pour la dernière fois. Là. On va monter le son. Monte l'écho, puis on y va avec ça. Puis après ça, je l'utilise. Jamais plus je les utilise. Donc, depuis, je sais, on dirait qu'ils m'ont planté un clou dans la langue. En tout cas, ça, c'est une autre histoire aussi. Alors là, on va monter le son. On va mettre de l'écho. Oh, c'est bon! J'ai trouvé l'utilité, là. On va baisser, là. Attendez, 1, 2. Là, je viens de trouver l'utilité pour faire jouer ce genre d'instrument. Ah! Sur la route! Suis le tempo, ça. Sur la route. Mais je m'explique, il faut que je joue en même temps. Moi, c'est un musicien. Moi, je suis un musicien. Sur la route. Ben, je suis pas capable en même temps. Je suis pas capable. Mais si tu fais ça, tu seras capable. Attends un petit peu. Aide-toi un petit peu, puis le chat t'aidera. Merci. OK, on y va. Bon. Écoutez bien ce que j'ai fait. Sur la route, pa-la-pa-pam-pam. Pas pire, hein? On y va. Petit tambour s'en va, pa-ra-pa-pam-pam. Il sent son cœur qui bat, pa-ra-pa-pam-pam. Au rythme de ses pas, pa ra pa pam pam, ra pa pam pam, ra pa pam pam. Au petit tambour, pa ra pa pam pam, où vas-tu? Hier mon père, pa ra pa pam pam. A pris le vieux tambour, para-pa-pam-pam, et a dit à l'enfant, para-pa-pam-pam, ton père est de retour, para-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam. Et l'enfant s'éveille, para-pa-pam-pam, sur son tambour, sur son tambour. Bon, ce que je sais que les paroles sont réinventées, mais le sens est un peu ce que j'ai voulu dire. Hey, précis de même, toi, hein? Je suis comme la grammaire, moi, je suis précis. Précis de grammaire. Oh! Aujourd'hui, le vendredi 26 mai 2017, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sauts sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositrice, interprète Liz Van Dock. Cet être extraordinaire fut rencontré en 2016 dans le cadre de mes rencontres parisiennes. Rencontrer, rencontre, normalement. Deux comptes plus un compte, deux comptes au patois, mandou, ça y a des répétitions. Ben oui. Non, à mon émission, excusez-moi, il n'y a jamais de répétition pour la narration, mais au niveau des mots, ça revient. Ça revient, et c'est bon. Mais mon ami Liz Van Dock va vous raconter un peu la façon dont elle écrit, la conception de son univers et surtout, vous allez l'entendre là maintenant. À travers tout ça, son album complet qui vient de sortir, qui a sorti l'été dernier, que vous pouvez vous procurer. Allez sur mon site internet officiel et vous en saurez davantage. Mais maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, membres de CKRL et les autres, je vous propose ce soir et la semaine prochaine, jour de mon anniversaire, ça va barder. Bardé, ça veut dire que ça va exploser. On va faire une surboom, mec! Alors, Liz Van Dock, la voilà. Tu me parlais en continu, je t'écoutais si dévolu, je t'ai éteinte. Toi qu'allumais tout ce qui bouge. Tu manquais rien à nos yeux rouges, je t'ai éteinte. de tes fuchsias un peu vulgaires, les samedis soirs de ma grand-mère, de tes poupées, de tes frasques, de tes nettes dégueulasses. Je t'ai éteinte. Je suis bien mieux dans mes saisons depuis ce nouvel horizon. Je veux du mur et du plafond dans mon salon. Je t'ai viré à coups de satin, il est plus confort mon futon, mes étreintes prennent leur temps dans un silence. Je sors un peu, ma vie recommence et sans fin. On s'est connus déjà zombie, t'avais souillé mes mercredis, moi déjà en Bambi, addict, élevé à la pensée unique de crétin. J'évoluais livide et funeste sur ces après-midi qui restent. J'étais timide et asociale, ce divan-là m'était royal. J'étais tes spectacles magnifiques, mis en lumière, épileptiques, les destins des autres qui, dans tes sitcoms, me rendaient alcoolique et conne de chagrin. Dans tes fictions si pathétiques, dis-moi, tes blondes platines phalliques vont-elles bien? Je t'ai quitté un peu par chance, un jour d'étudiante qui se lance pas si loin. J'ai dû passer à côté de moi, sous la perfusion de tes choix d'écran plat. Toi qui prenais mon reptilien pour y sillonner ton chemin. Tu t'es niché dans mon cerveau, vieille démago. Combien de journées de soleil ai-je manqué là dans mon sommeil, ton sirop? Il y a parfois, quand on m'invite, poubelle la vie qui décrépite dans un coin. Comme une envie soudaine de faire l'intello parisienne qui se déchaîne. Et je me vois au ralenti comme un ninja qui se déplie dans un cri. Sorti de ma cure de désintox, est-ce que ça marche le style neuf? Est-ce que ça marche le Stilnox sur la boxe? Oui, ben oui. Enchanté, mille excuses pour le temps. Non, il n'y a pas de problème. Non. Ah là, tout est prêt. Mon téléphone était déchargé, je ne pouvais pas vous prévenir. Et pas en plus, je cherchais la date. D'accord. Ben tu sais, hein. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Je vais demander s'ils peuvent charger. Vous avez t'as un peu de temps pour un sapin? Oui. Ah oui, j'ai jusqu'à 12h30. Bon, ben super. Oh, oui. Génial, je charge ça. Oui. Pas de problème. Bonjour, mesdames. Et puis, ça fonctionnait? Oui. Ils l'ont branché? Oui. OK, bon. Mais c'est bien parce que j'aurais pas à répéter trop souvent. J'aurais pas à répéter trop souvent. Par rapport à? À l'accent, puisque tu connais un peu l'accent québécois. Ben ouais. Ben oui. Toi, tu viens de Montréal? Québec. Parce que CKRL, c'est la première radio associative francophone au monde. Ah ouais. Qui est née à Québec. Au coin de la 3e avenue et de la 4e rue. D'accord. Aujourd'hui, elle est là, mais à l'époque, elle n'était pas là. Elle était à l'Université Laval. Oui. Et on est venu ici en 80... Donc, nous, c'est 74. On est passé ici en 82 pour instaurer la radio libre, qui aujourd'hui reste Radio Libertaire, mais à l'époque, il y avait Carbone 14. Je connais pas trop le nom, mais... Je me demande si... Parce que j'ai une copine qui a bossé dans une radio à Québec. C'est KRL. Fait... Et je pense que c'est CKRL, ouais. Faisait une émission de métal. Oui, ça, oui. Oui. Et c'est normalement... Le métal, c'est le soir. C'est ça. Ouais. C'était le soir. Donc, elle était passionnée de métal et... Une amie française ou une amie québécoise? Une française. OK. Ouais, qui faisait des études de journalisme à l'époque. Toi aussi, t'as une formation journalistique? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, une fois qu'on a fait des diplômes de musique, finalement, ça ouvre pas tant de portes que ça. Donc, on s'ouvre à d'autres formations. Le boulot vient pas facilement. Alors, du coup, on est obligé d'aller chercher un peu ailleurs. Et puis c'est le monde des médias, le monde de la musique, c'est quand même vachement lié. Sans massacrer ton nom, c'est Lise Vanda. Ouais. C'est pas une consonance belge? Eh ben, si on veut, parce que... Si on veut, okay, si on veut pas. Bon, à la française, okay. À la québécoise. Non, mais est-ce que ça vient de la Belgique? En fait, c'est un nom composé. Merci beaucoup. C'est un nom recomposé de mon vrai nom et de mon... Nom artistique. C'est un nom. Pourquoi? C'est un pseudonyme. Pourquoi? Parce que j'ai un nom compliqué, j'ai un prénom compliqué, enfin j'ai un nom... je m'appelle Vanessa de Kiet et je trouvais ça un peu compliqué à chaque fois au niveau de l'orthographe. Il y a une comédienne qui frôle à peu près ce nom-là, une comédienne française, non? Alors il y a Vanessa Paradis. Non, renomme-moi-le. Vanessa de Kiet. De Kier, il n'y a pas une comédienne de Kier ou de... Ah, de Kier. Voilà. Ou Von Anaker. Ouais, peut-être bien. Ouais, c'est ça, ça ressemble. Ouais, c'est ça, c'est un peu des prénoms. Mon père est auto-originaire de la Somme. C'est le nord de la France. Oui. Donc peut-être on a des... Ch'ti. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Parce que je suis contente que tu connaisses l'expression et que... C'est marrant. Ben, en venant ici à chaque année... On s'acquiert un lexique, une grammaire française ou parisienne, plutôt française, parce que j'ai déjà une ouverture à la francophonie, étant unilingue francophone. Ouais. Ce qui m'intéresse, pas juste la musique française, francophone, autant québécoise que belge et suisse, mais la musique en général, mais je préfère lorsque je saisis les paroles. L'intérêt, c'est de fabuler, oui, au niveau de la musique. La sonorité, mais également à travers les mots. C'est les mots qui peuvent aussi amener le rêve. Mais en comprenant pas une langue, l'intérêt, c'est de se créer une fausse ou un autre parcours intellectuel et imaginaire. Et toi, c'était presque intéressant ce que je voulais dire là. Et toi, tu as étudié au conservatoire et ça t'a comme un peu... ça t'a frustré. Ou t'as eu un problème avec le conservatoire? Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui s'est pas passé? J'étais frustrée, j'ai pas eu mon diplôme sur la première année, alors... Pourquoi? J'avais pas suivi les cours tout le temps. Qu'est-ce que tu faisais? Je bossais déjà dans ma radio et je faisais... Voilà, et je faisais du solfège, en fait. J'aurais voulu avoir mon diplôme de solfège jusqu'au bout, en fait, pour valider vraiment mon cursus. Elle s'appelle comment ta radio? Elle s'appelle comment? Ah, c'est Radio Nevers, c'est une petite radio associative. Nevers. Ok, parce que Nova. Okay. Ça aurait été pas mal, hein? Oui, bien sur le site. Et quelle radio intelligente? On diffuse de la musique un peu plus recherchée que les autres stations. On est loin de Virgin. On publie à chaque année des disques assez extraordinaires, des compilations où on peut faire des recherches sur les artistes. Tu connais un peu Nova? Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Moi j'en faisais le piano qu'il y avait chez ma mère. qu'il y avait chez mes parents. Et toi, tu jouais pour t'amuser en tapotant sans même connaître les gammes? Ah ouais, au départ, c'est ça. Hein. C'est le toucher, l'écoute et puis... La sonorité que ça procure lorsque tu touches aux gammes, au clavier. Ouais, et puis on avait un Farfisa à la maison. Oh. Avant d'avoir un Farfisa, c'est un clavier un peu entre l'orgue et l'électronique. C'est un orgue électronique, en fait. OK. Donc, tu as plusieurs clapets et quand tu baisses les clapets, combien, ou tu les montes. Combien de claviers? Combien de touches? Oh, c'est vraiment petit. Hein. C'est Casio je sais qu'à l'origine. Tout petit. Hein. Oui, nous, ça existait aussi. C'est Casio qui faisait ça. Un petit clavier avec les noirs, les blanches, puis à peu près 20-25 touches, c'est ça? Ouais. Avec un rythme que tu peux placer aussi? Il y avait des... Oui, c'est ça, exactement. Et tu t'es intéressé à ça? Tu t'es intéressé à la sonorité, à ce que ça pouvait faire comme... Ouais, c'était marrant. On pouvait... J'aimais bien essayer de faire des choses de variété, moi. Tu recréais des Barbara, des Gainsbourg, des... Pas à 5 ans. OK, plutôt ce qui était à la radio. Mais oui, Jean-Jacques Goldman et tout, j'essayais de... Des trucs même américains un peu, les Hanson, des trucs d'ado. J'essayais de reproduire ça, ce qui fait que c'est aussi pour ça que j'étais un peu frustrée en fait d'avoir fait autant d'études de musique et de ne pas réussir vraiment à faire ce dont moi j'avais envie, à savoir de la variété et de la musique électroacoustique et des synthétiseurs et tout ça, parce que j'étais un peu fascinée par les synthétiseurs. Tout comme Émilie Simon qui peaufine dans son studio. Ouais, je suis très admirative de cette artiste. Elle est vraiment... Elle s'est intéressée de ça de près et puis avec des grands spécialistes, donc c'est... Elle a même fait un mémoire en musicologie, c'est quand même... Elle est très profondément ancrée du côté académique de la musique, autant que du côté artistique. Ouais. Donc c'est quand tu peux lier les deux, oublier ce que tu as appris pour défaire, pour reconstruire autre chose. C'est ça l'intérêt du créateur. Ouais. Est-ce que, puis après ça, tu es parti, je sais pas si je place ça dans l'ordre, là, mais à un moment donné, tu as fait du journalisme, puis tu es parti à Montréal. Oui. Je suis partie à Montréal pour faire des études de musique électroacoustique. Exact. Ça validait ma maîtrise. Et j'avais toujours entendu... c'est un copain qui m'a dit, écoute, je suis partie à Montréal, je suis hyper content. Les études, ça se passe trop bien. Au moins des études qui sont... des études qui sont appliquées au concret. Et sortir justement de la pensée musicologique et de l'histoire de la musique et de l'analyse et tout ça. À Montréal, il y a des cours beaucoup plus pragmatiques. Et puis la fac est un mélange... Qui est reconnue. Reconnue, mais oui, c'est ça. Bon, après, nous, en France, on a clairement des gros problèmes avec nos universités. Au niveau pédagogique, ça va pas. Ils sont pas du tout adaptés au terrain. Et c'est valable en musique comme c'est valable dans tout un tas d'autres domaines. Quoi. Enfin, faire une fac de géographie, finalement, c'est pas toujours prometteur professionnellement. Quoi. C'est vrai. Et comment tu mets ça dans la vie du quotidien, la musique? Es-tu à l'affût de tout ce qui se passe? Non, je suis pas quelqu'un de... Non? Je suis un peu hyper concentrée, moi, comme genre de personne. Alors tu peux pas faire plein de choses. Nous, on est fait pour être simple, oui. Nous, on est fait pour être ensemble, oui. Mais notre petit truc à nous, qui souvent fait des jaloux, nous, on est cinq, un point c'est tout. Mais on est tout le temps soudés, oui. Et à cinq, on sait s'occuper. Oui, quand on est cinq, on ne s'ennuie pas. Alors qu'à deux, ben si, des fois. Nous, c'est pour ça que l'on est cinq. Et dans une main, il y a cinq doigts. Oui. Et même en France, c'est comme ça. Oui. Parce que demain ne suffit pas. Nous, c'est l'anneau à chaque doigt. Oui, pour nous deux, j'ajoute 3. Si on est 5, ça dérange qui ? C'est plus facile pour un crédit, oui. On est solvable si te dit, oui. À vous qui prenez le partage, laissez-nous tourner la page. À quoi bon toute cette rage? Simple, oui. Nous on est fait pour être ensemble, oui. Mais parfois c'est si complexe d'essuyer les regards perplexes. Mais nous on s'aime. Et l'on est sain. Baiser d'un soir, espoir. Baiser d'une nuit en nuit. Tu m'as donné celui-ci en pleine nuit à Paris, sous les néons et le cri dans cette boîte de nuit. Moi j'ai souri et j'ai dit, ce garçon il est gentil, d'autant plus qu'il est poli. Et puis il me fait envie. Aïe, aïe, aïe, aïe, encore un, encore une, un amant, une nuit, et tout ça pour des prunes, c'est malin, c'est tant pis. On a dansé jusqu'au jour dans un lit étranger pour ne rien garder de ses heures, pas même une goutte de sueur. Moi j'ai pensé, ne retiens pas ses yeux, ce joli minois. De toute façon, c'est mieux comme ça, l'amour d'un soir, tu aimes ça. Et puis tu m'as dit à bientôt, je n'ai pas cru à ce doux mot. De toute façon j'ai mieux à faire, je veux rester célibataire. Aïe, aïe, aïe, aïe, encore un, encore une. Pas d'amour, mais de longues nuits. Je ne veux pas compter pour des prunes, c'est malin, c'est tant pis. Quelle histoire. On s'est revus bien plus d'un soir, dans les cafés et les zoos. En sont témoins les animaux. Tu m'as raconté tes espoirs, moi j'ai évité mes déboires. Je ne voulais pas que tu croies que j'étais malheureuse avant toi. Et même si demain on se quitte sans beaux adieux à la va-vite, je ne regrette pas le zoo, tous ces instants à demi-mot. Aïe, aïe, aïe. Soir, espoir, baiser d'une nuit aussi. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-NF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Ah ouais, non, j'ai besoin de... Puis je suis une obsédée du verbe. Enfin, je regarde tout dans les détails. Okay. Et une chanson, ça me... Pour pas dénaturer... Énormément de temps. Pour pas dénaturer la phrase, tu veux vraiment trouver le mot, l'exactitude dans le sens que tu veux... La signification que moi, je mets derrière et que je pense... Et c'est ça aussi qui m'intéressait à rester finalement en France parce que je suis une grande amoureuse du Canada, du Québec, de Montréal. Et je connais moins Québec. Avec la ville, mais je suis vraiment amoureuse du Québec. Et si j'étais pas en France, je serais au Québec, c'est ouais, sûr. Ouais, ouais. J'ai même ma résidence permanente en fait, mais je l'utilise pas. Et à chaque fois que j'ai un problème en France, je me dis, mais pourquoi je suis pas au Québec? C'est une espèce de d'idéal. Ouais, alors bon, c'est un idéal. C'est pas facile chez nous, c'est pas non, facile. Clairement pas en fait. Et puis le bassin est beaucoup plus petit. Oui, c'est vrai. Tu peux pas faire 10 spectacles. Normalement, tu fais un spectacle ou deux. Tu peux pas faire des longues tournées. Ici, tu peux faire 2 années, 3 années de tournée dans les petites salles. Tandis que chez nous, 2-3 mois, tu viens de faire le tour. Ouais. Si tu veux pas aller dans les fins fonds du Québec, dans le nord du nord, comme disait le chanteur. mais en même temps, c'est bien certain que pour un Québécois, la France, c'est la même chose que toi vis-à-vis du Québec. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de nouveau. Donc, ce qui est nouveau amène une curiosité. Et à Montréal, lorsque tu as fait tes cours, tu as rencontré des artistes, tu as fait des rencontres. Énormément d'artistes, c'est même très inhibant, parce que tout de suite on est en milieu d'artistes et moi j'ai les disques. Ah oui, bien sûr, ouais, bah oui, c'est sûr, il y a un mélange de temps. De ouais. Et aux rencontres qui chantent aussi, c'était comme ça, c'était. Ils ont fait des catégories entre les auteurs, les compositeurs et les interprètes. Et du coup, mélanger ça, enfin, c'est revenir à cette espèce d'école qui existait vraiment dans l'âge d'or de la chanson, de la musique de manière générale aux années 60-70, où c'est vrai que quand tu étais parolier, tu n'étais que parolier. Moi, je ne suis pas douée pour l'interprétation. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Du coup, comme on n'a pas beaucoup de moyens, et du coup, il faut tout faire soi-même. Alors forcément, on a des dominantes. Quoi. Moi, je me dis que sur le premier album, je ne me suis pas trop mal sortie au niveau de l'écriture, de texte, et puis au niveau peut-être de l'interprétation. Voilà, je me dis... Je suis légitime dans le travail par rapport à ça, quoi. Mais c'est très... Et alors au Québec, le fait qu'ils reconstituent ça, je trouvais ça génial parce que ça existe encore et ça fait plaisir. Ce qu'a fait Alan, tout ça, c'est super. Alan Côté, rencontre qui chante. Oh oui, mais en même temps, l'intérêt de faire de la musique en 2016, c'est de pouvoir se faire voir partout sans se déplacer. C'est peut-être le côté un peu plus positif des années 70. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis maintenant, les salles sont vraiment très équipées. Donc au niveau sonore, on a quand même les micros qu'on veut. Enfin, faut pas accepter n'importe quelle condition, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut se permettre d'être dans une certaine exigence sonore qu'on n'avait pas dans ces années-là. Au début, je crois pas qu'on... doit être trop exigeant, on prend ce que l'on a. Non, non c'est ça, mais il faut jamais l'être. Après, il faut composer toujours avec. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui travaille le son. Ça fait 8 ans que je fais ce boulot-là et je me dis que les gens viennent pas à un spectacle pour écouter le son. Après, il faut savoir le son global, quoi, les basses. Ça, mais toi, tu es plus dans l'interprétation, dans l'environnement sonore que tu vas créer à travers ta voix, à travers la... Les mots. En fait, plus simplement que ça, je vois mon spectacle comme une espèce de seul en scène. de one woman show comme on piano dit en voix. France. Oui, oui, ben, chez nous. De piano voix et seul en scène et avec un petit peu des espèces de moments où je vais m'amuser avec différents styles de musique. Je m'amuse avec la signification un peu culturelle des rythmes en fait. Tu désacralises la musique? Ouais, enfin tout le monde la désacralise à partir du moment où tu joues dans le métro ou des trucs comme ça, c'est désacralisé. Mais je veux dire, je m'amuse avec les styles et puis j'essaie de passer de différentes couleurs, du faire en sorte qu'on s'amuse bien dans le spectacle à certains moments, divertir des moments où on est beaucoup plus dans l'introspection et d'essayer d'aller chercher les larmes aussi parce que ça le... C'est varier les émotions au maximum. Et tu veux aussi des ventilations, c'est-à-dire parce que j'ai vu, c'est étrange parce que en attendant, j'ai pris des notes. Ouais. Et tu parles de Juliette. Ouais. Juliette que j'ai rencontrée. Ah, c'est génial. Au Bataclan. Tu parles de Jeanne Chéral. Ouais. Jeanne Chéral que j'ai rencontrée. Parce que c'est les pianistes, c'est dans le panthéon des pianistes chanteuses. Piano-voix, oui, effectivement. Mais tu parles aussi d'Arthur H. Ouais, parce qu'il est complètement virevoltant. J'avais vu un spectacle aussi de lui, piano-voix, seul en scène, et c'était piano génial. Solo. Et complètement épuré, en fait. Mais, et puis à la fin, il s'amène avec son petit synthé, et puis il fait sa reprise, et ça marche bien. Enfin, que j'ai rencontré. Ah ouais, ouais. Tu parles de... Juliette, Jeanne Chéral, Arthur H. et qui d'autre? Clarica. Pardon? Clarica. Que j'essaie de rencontrer, mais il y a des gens qui sont un peu plus difficiles d'approche. Ouais, c'est possible ça. Qui vient de sortir un nouvel album. Ouais, ouais, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'elle a un emploi du temps un peu de ouf, peut-être. Et puis le nouvel opus de Clarica? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Après, elle parle beaucoup plus d'elle et de ce qui s'est passé pour elle, je pense, au niveau sentimental. Et les chansons d'amour sont très touchantes parce que je pense qu'on a... J'ai jamais entendu Clarica comme ça sur aucun de ses précédents albums. Ce qui fait que c'est vraiment une livraison très personnelle de ce qu'elle donne. Et pour autant, j'écoute encore ses anciens albums qui parlent de la société de manière complètement... décalé et trash, mais avec des petites guitares toutes douces. Mais c'est sa signature. Ouais. Est-ce que tu connais le chanteur Babix? Oui, qui est génial. Ah oui, je suis très fan de ce qu'il fait aussi. Ouais. Toi, lorsque tu te places au piano, est-ce que les mots sont déjà présents ou tu crées une mélodie comme le fait Scheller et après ça, il sent les mots arriver comme un peu une pluie qui tombe à travers la sonorité. Et tu es un peu comme ça? Non, moi les mots viennent d'abord. Normalement, grosso modo, c'est souvent les textes qui viennent d'abord que ma charme a terminé et que je cherche tout pour que juste le texte, que tout tienne par le texte en fait. Que les 3 minutes 30 soient déjà... rien qu'au niveau du texte. C'est pour ça que dans mes mix, j'aime bien que la voix soit un petit peu plus élevée que la musique. Parce que c'est souvent, sur les dernières chansons que j'ai écrites, c'est le texte qui maintient en haleine et il faut que l'histoire, le scénario ou l'émotion qui passe soit vraiment le fil qui aille jusqu'au bout et on se dit waouh. Et après, la musique est un support, une décoration qui vient enjoliver la dorure un petit peu du cadre. Tu pourrais même faire ça à capella, s'amuser. Ben, du coup, ce serait de la poésie et ça me... Ça pense. Ben ouais, parce que après c'est monocorde. Enfin, on a quand même besoin de la mélodie pour aller chercher l'attention des gens. C'est des trucs de comment c'est mémotechnique en fait. L'humain mémorise mieux le texte quand il y a de la musique. Enfin, certains humains. Hein. Mais il y a des procédés comme ça que j'ai déjà assisté moi à un concert de poésie, la poésie mise en musique, et s'il n'y a pas de refrain, s'il n'y a pas cette espèce de petit truc qui revient par plusieurs fois dans ces 3 minutes, en fait, on perd le fil du récit. Et du coup, c'est comme si on racontait une histoire, mais sous une musique, et de ce fait, je trouve ça difficile, comme une écriture d'opéra. Mais dans les opéras, la différence, c'est que il y a le récitatif et puis il y a les airs, les arias. Dans les arias, en fait, il y a un refrain et on se pose un peu sur l'émotion que reflète le texte. Donc la musique, c'est un peu ça. C'est rendre vivant l'émotion insufflée par le texte, quoi. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ? Et c'est les mots qui amènent les idées, oui. Après, sur l'idée initiale, bah, c'est bien d'avoir une idée initiale aussi. Des fois, il y a des chansons que j'écris, c'est juste pour l'idée, quoi. J'écris une chanson qui s'appelle 5, c'est une histoire d'un couple à 5 personnes. C'est vraiment pas pour la poésie des mots, quoi. Sur ses phalanges, des rainures creusées, des commissures blanches. Sur ses doigts cannelés, elle a sur le front le passage des années, ses signes en doux rebond dessinés. C'est comme ça que je voudrais avoir des rides, avec quelques plis au bord des yeux. Si ce sont les marques du sourire, je pourrais me foutre d'être vieux. Rien à foutre d'être vieux. Rien à foutre d'être vieux. Sur les tempes et sur la tête, au lieu du roux d'avant. C'est comme ça que je voudrais avoir des rides. Tant mieux si c'est gris sur mes cheveux. Je serai plus claire mais lucide en me foutant d'être vieux. Rien à foutre d'être vieux. Rien à foutre d'être vieux. Il y a ce poivre et sel qui reflète sur elle. J'aime aussi maintenant. Le temps n'est pas toujours cruel. On peut lire dans ses prunelles. Aucun regret d'antan. Elle a des gestes en errance, des déplacements modérés, du style dans ses cadences, des mouvements saccadés. C'est comme ça que je voudrais changer de rythme, entendre mon pouls diminuer un peu, le présent pour me laisser vivre. Mais me foutre d'être vieux, rien à foutre d'être vieux, rien à foutre d'être vieux, rien à foutre d'être vieux. spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance Canadienne. Merci l'artiste. C'est plus pareil. C'était pour le fun de faire quelque chose de... d'inusité. Ouais, d'aller chercher dans l'imaginaire une société autrement... ouverte. Ouverte et drôle, en fait. Enfin, parce que l'idée, c'est de se décaler. Et puis, à un moment donné, au milieu de chansons peut-être un peu sérieuses, ou qui décrivent la société, avoir une chanson comme ça, c'est bizarre. C'est un peu extraterrestre et ça fait du bien aussi au milieu d'un spectacle. Il faut penser aussi à la ventilation, ouais. Histoire de divertir un peu les gens, de ne pas les cloisonner dans un environnement qui pourrait être un peu plus étouffant. Bah ouais, parce que sinon, ils s'échappent l'attention. Enfin, moi, je fais vachement attention à ça, quoi. Parce qu'avoir un style et dire, ouais, moi, je fais de la mandoline électronique et je fais ça pendant 1h20, en fait, oui, c'est bien parce que dans l'idée, c'est original et voilà. Mais il faut surtout qu'on entretienne le voilà, c'est un film quoi, les gens ils font le choix de venir ce soir, ils avaient le choix de soit rester chez eux regarder la télé, soit aller voir un film, et en fait ils ont, toi t'as de la chance, ils viennent te voir, toi ils se sont déplacés, ils ont pris un billet, ils ont acheté un billet, ils ont vu ta photo dans, ils te connaissent pas, enfin moi ils me connaissent pas les gens, j'ai pas une notoriété publique et voilà, du coup faut, c'est quand on vient me voir, c'est parce que je suis en première partie de quelqu'un de connu, et de ce fait, c'est une chance de les avoir, quoi. Donc, il y a tout intérêt à ce que je les maintienne en haleine, et puis que je ficelle, que je couse mon scénario de spectacle suffisamment bien pour que ça les maintienne d'un bout à l'autre en haleine. Donc, c'est de la, faut que je fasse de la belle broderie, quoi. Je leur présente juste parce que piano-voix, c'est rien, quoi. Alors, c'est juste... C'est rien. Il y a des chanteuses et chanteurs qui tiennent en haleine. Barbara était comme ça, Juliette l'est comme ça. Oui, c'est ça. Mais par rapport, je veux dire, faire du piano-voix en 2016, c'est quand même quelque part... Oui. Et en même temps, c'est très classique. Donc, il va falloir trouver des trucs pour pouvoir... mais je pose des questions, j'ai pas les réponses. Hein. Mais bon, il va falloir trouver un truc pour les maintenir en haleine et faire en sorte qu'ils ne se trouvent pas dans un piano voix pas... classique et qu'ils ne disent pas « Ah, bah c'est comme Barbara ». Non, mais mais ce truc-là, est-ce que c'est pas l'artiste qui, à travers son aura, à travers sa présence sur scène, amène ça? C'est pas la présence sur scène qui est intéressante aussi? Ah bah ouais, si, c'est ça. Ben, mais ça s'invente pas, hein. Non. Ça s'invente, ben, sinon, justement. Ben, non, mais si t'as ça... travaillé, en fait. Ben, ça peut être intuitif. Sinon, tu peux être une musicienne de studio. Tu peux être comment il s'appelle, donc... Jean-Louis Masset. Ouais. Masset qui a uniquement fait du studio, qui n'a jamais voulu faire de la scène. Ouais. Quand il a vu Bachung à la fin de sa vie dans les grands espaces, il a dit je veux faire de la scène. Mais là, les gens ne voulaient plus le voir là parce qu'il s'était fait absent. Donc c'est aussi se tirer dans le pied. Alors c'est soit que tu es professionnel du studio ou de la scène ou les deux. Mais quand tu fais un album, est-ce que tu essaies de recréer du live et créer la sensation du direct, avoir ce genre de... l'énergie du spectacle en studio? Ta question, c'est... Est-ce que lorsque tu prépares un album, ouais, est-ce que tu veux te référer au live, à l'énergie du live? Eh ben, c'est ce que... Moi, je m'en suis pas rendu compte de ça. C'est mon technicien son qui m'a dit... Moi, j'avance au fur et à mesure des trucs, hein, si tu veux. Moi, je suis toute seule, donc j'ai besoin d'avoir des retours comme ça. Mon technicien son m'a dit, écoute, ton album, il est bien. Premier album, super. Par contre, moi, je propose que pour ton prochain disque, on fasse un comme si t'étais sur scène. Ah, voilà, c'est ça. Parce que finalement, l'album, il était trop... moi, j'entends... Enfin, je me disais, s'il m'a dit ça, c'est qu'il trouve que c'est un peu trop derrière, effectivement. En fait, j'étais très omnibulée par le fait que faut chanter juste. Attention, faut chanter juste. T'étais très académique, t'étais très j'entends... coincée. Ouais, c'est ça. Ben, quelque part, ouais. Est-ce que tes chansons, tu préfères les jouer sur scène et après ça, les placer sur un disque, ou tu les places avant tout sur le disque, après ça, tu les fais vivre sur scène? Non, c'est d'abord sur scène que ça se passe, parce que en général, je prépare, enfin, j'aime bien voir comment ça marche. Mais il y a des chansons qui sont vraiment bien pour le studio, c'est pas, C'est pas très bien. Ils font pas beaucoup de scènes parce que c'est pas l'ambiance ou parce que. Enfin, la scène, c'est différentes expositions entre les gens qui sont là, les concerts en scène découverte, en scène dehors, et puis les concerts en salle close, ouais, noire. C'est pas du tout la même attention. Moi, je me sens beaucoup plus libre dans une salle où les gens sont assis et, parce que j'ai toute leur attention et du coup, je peux partir dans des délires intellectuels vraiment. C'est vrai. Bizarre, et ils trouveront ça bien, ils trouveront ça drôle, décalé, voilà. Alors que si je pars dans des délires intellectuels pour la fête de la merguez, là, tu vois, enfin, du coup, ils peuvent partir. Ils s'en foutent parce qu'ils veulent entendre un truc vaguement divertissant dans leur promenade, en fait. Donc, ils sont contents de se voir, ils discutent un peu. Ils veulent du festif. Et je suis pas toujours festive. Ouais, je suis pas hyper festive. En piano, ouais, je suis pas tout le temps. En même temps, toi, ce que tu veux, c'est d'avoir plusieurs gammes, plusieurs strates à ta musique pour rendre l'émotion, pour faire rire, danser, entre guillemets, ou bouger un peu plus. Donc, tu essaies de te faufiler à travers tout ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je parle de couture, parce que c'est... Ouais, c'est ouais, ouais, ouais, un truc, moi dans la vie, je mets 5 jours à me remettre d'une émotion forte, genre une peine d'amour ou des trucs comme ça. Et en fait, il faut qu'en chanson, ça soit beaucoup plus court. Et il faut aussi que ce soit bien présenté, puisque tu veux que cet événement-là reste comme une photo. Tu veux pas non plus qu'avec les années ou à travers les jours, les semaines, lorsque c'est écrit, lorsque la musique est là, l'émotion ne reste plus. Donc tu veux quand même synthétiser, tu veux flasher sur l'événement. Voilà, c'est ça. Je veux aller au fond de l'émotion. Oui, j'allais dire au fond du groupe, c'est ça, au fond de la création. Ouais, enfin, trouver les mots, des mots toujours un peu inusités ou aller chercher. Est-ce que ça te surprend, la scène, du fait que tu es un peu timide, la scène te propulse et tu n'es plus la même? Ouais, c'est vrai. Après les concerts, je suis pas la même qu'avant. Non. On dirait que c'est le piano qui te laisse divaguer, qui laisse surtout la gêne de côté et le piano devant toi et là tu peux partir. Ouais, c'est que en fait c'est en état. C'est comme quand tu viens de voir un film, finalement, tu fais ton spectacle et tu vas jusqu'au bout de l'histoire et tu finis. Et t'es pas dans le même état qu'avant. Il y a une espèce d'état concentration. Et puis je suis crevée. Souvent je suis crevée parce que j'ai donné plein d'émotions en peu de temps et la maîtrise de la mémoire. Faut physiquement aussi, il y a le trac. Enfin, j'ai travaillé sur le trac aussi, être détendu, faire gaffe à tout ce qui se passe autour pour pouvoir rebondir. Oui, beaucoup. Je pense que j'ai fait mes 100 premières. Mon cœur, des trucs comme ça. Non, là ça va mieux, mais enfin. Tu en avais. Oui. Bon, j'étais pas hyper bien, j'avais mal au bisou, j'avais les muscles contractés, quoi. J'arrivais comme ça, parce qu'il fallait jouer. Non, mais Brel était comme ça, Brel vous vomissait avant de rentrer sur scène, il était épouvantable, puis le rideau s'ouvrait, puis ouf, là c'est autre chose, c'est un autre Brel, c'est pas le Brel inquiet, malgré ce qu'il pouvait donner. Mais ça, c'est toujours à refaire, c'est aussi... C'est un humoriste québécois qui disait André Sauvé, tu connais? Non. OK, André Sauvé dit encore aujourd'hui, dis-moi, je trouve ça très, très difficile de la scène, puisque je dois, à chaque soir, arriver au même focus que les autres soirs. Oui. Tu comprends? Alors, ah bah c'est très, très dur ça. C'est le mythe du Sisyphe, hein? Tu montes la boule et tu dois la laisser redescendre et tu la reprends après pour l'autre spectacle. Donc, tu dois... tout donner et essayer de te rendre au zénith du dernier spectacle qui s'est rendu aussi loin. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est mouiller la chemise, comme disait Zebda. Ouais, c'est vrai. Non, c'est tomber la chemise, Zebda. C'est tomber la chemise. C'est ça. Ouais, mais moi, c'est mouiller la chemise avant de la laisser tomber. Non, c'est Santi Severino qui disait, après chaque chanson, il faut mouiller. Durant la chanson, il faut mouiller la chemise. Ouais. Donc, il faut se donner. Et toi, t'es à peu près de genre, là? Des fois, il y a des concerts où je mets, c'est pas bien de le dire, mais j'ai du mal à me reconcentrer. Enfin, en fait, il faut que je sois plus moi-même à ce moment-là. Et des fois, juste, j'ai fait de la route, je suis crevée, voilà, il faut juste faire abstraction de tout ça et oui, retourner à ça. Moi, je voulais en faire voir de toutes les couleurs à l'amour. Moi, je vais aller lui faire sa fête à l'amour. Le devoir m'appelle. Tous à cavaler dans le désert, pour l'amour, on donnerait sa chair. Bien après quelques mirages, moi, je tomberai sur son visage. Mais sans me jeter à son cou de mon flingue, je le tiendrai en joue. Oh, amour. C'est bien comme ça que tu t'appelles. Avec l'amour, c'est un peu comme au poker. Il faut bluffer ou bien se taire. Je lui dirais peut-être à un moment, je t'imaginais un peu plus grand. Et lui restera bloqué à terre, mon pied sur lui sans commentaire. Amour très cher, puisque c'est comme ça que tu t'appelles. Moi, je voulais en faire voir de toutes les couleurs à l'amour. Moi, je vais aller lui faire sa fête. Faire la belle, toute ta gueule d'ange, ton œil rebelle. Je te connais comme si je t'avais fait, mais si tu pars, je te retrouverai. Et sur ta tempe, mon revolver, tu reviendras les mains en l'air. Amour très cher, mais dis-moi qui t'appelle. Moi, je voulais en faire voir de toutes tes couleurs à l'amour. Moi, je vais aller lui faire sa fête à l'amour. Le devoir m'appelle. De travaux d'intérêt général payés que dalle. Et comme il a bien quelques comptes à rendre et puis un métier à apprendre, faudra qu'il creuse encore au fond du gouffre. Il y a de l'or. Oh amour, voilà ta pelle. Moi, je voudrais lui faire voir toutes les couleurs de l'amour. Moi, je voudrais qu'on lui fasse une fête. Le devoir m'appelle. Épargne-moi tes sempiternels. Moi j'y crois pas à l'éternel. Le temps d'une vie ça me suffit jusqu'à ma mort. Tu restes ici. Et souviens-toi, c'est moi qui ai l'arme à feu. Tu finiras bien, oh mon amour, par t'attacher un peu. Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content, à lancer cailloux sur étang. Je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent, comme le fronde avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous, et l'alouette à nos genoux. Allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure. Où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets, et j'en dirai, et j'en dirai. Oui, pour passer le temps, je chante, au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets. Et que mon amour est touchante, près d'elle dans l'ombre penchante, oui, pour passer le temps je chante. Je chante pour passer le temps. Oui, pour passer le temps, je chante. La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler, je suis un type à part, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà, avec un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard pour graine d'ananas. Il y avait des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. Oh, c'est pas moi qui le dis, non, c'est Jésus-Christ, un foutu bavard, à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi, c'est jamais peinard, la graine d'ananas. On me dit que c'est fini, je vous le dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. La belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Potence se double, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme elle est amie. Mais auparavant, j'aurai comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas. S'il te plaît, le couteau dans le play. Plus de flashback ni de comeback. Les larmes c'est ton playback complet. Je sais, c'est moi qui ai tout fait, oui, j'ai tout fait. Et si j'en claque, je m'en fous, je suis dac. Or pour ma gueule c'est bien fait. Tant pis si c'est fini, ou tant mieux si tu veux. À qui la faute à toi, moi. sentiment et les vrais. Tu ne sais pas si je sais que tu m'as prise à l'essai. L'amour opaque, gamin au black, Jack t'as gagné, perdu, vite fait. Tant pis si c'est fini. Flashback, ni de comeback. Les larmes, c'est un playback complet. Je sais, c'est moi qui ai étouffé. Oui, j'ai tout fait. Et si j'en claque, je m'en fous, je suis dingue. Or pour ma gueule, c'est bien fait. Tant pis si c'est fini. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantes tristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon ? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantes tristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaboniste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort, à raison, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisantes tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon. Un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaponiste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaponiste. Qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres se sont tous des cons. Mais c'est pas évident dès la première chanson. Non, c'est ça, la première est plus difficile à casser, la première chanson à casser. Ouais. Et. Ouais, non, c'est ça. C'est mais lorsque tu prends une première chanson, est-ce que c'est une chanson qui va pouvoir t'aider à partir? Tu prends la chanson qui va te laisser partir? Ou si tu prends la chanson la plus difficile au début, histoire de. On va quand même la casser, ça, puis après ça, ben, on verra. Ouais. Non, non, il faut quelque chose de léger. OK, c'est ça, pour te laisser partir. Ouais, faut un truc un peu... Enfin, là, dernièrement, faut un truc de léger. Mais j'ai fait beaucoup de spectacles où j'ai inversé, où c'était la chanson la plus tonique qui rentrait en jeu, histoire de casser aussi cette image de piano-voix doux et tout. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'en commençant par un truc... Gens attendent l'autre qui va aussi puncher. Ben, trop punch, en fait, des fois, ça les a perturbés, quoi. Bon, faut pas écouter tout le monde, hein, mais j'ai arrêté parce que c'était pas la meilleure chanson, et puis... C'était peut-être un peu trop... second degré, et qu'on arrivait un peu dans mon humour, trop... rapidement et que c'est pas charmant. Faut quelque chose d'un petit peu séduisant, quoi. Un petit sourire, je pense. Sans y aller trop, je sais pas. Mais tu vois, entre les concerts, parce que dernièrement, je me contredis un petit peu dans ce que je suis en train de c'est dire bien, là. C'est bien, mais c'est ça la vie, hein, c'est plein de contradictions, sinon... Alors, on a fait un concert en trio avec guitare et violoncelle, mes musiciens, et on a commencé par des chansons douces, et là, c'était dehors. Et ah, c'est bien, ça. J'ai eu du mal, ben... Je sais pas, au niveau de l'attention, moi-même, j'étais en difficulté parce que j'avais du mal à me concentrer véritablement. C'est comme si... c'était en plein jour, donc... C'est pas comme si j'étais dans mon spectacle tout de suite. Je suis trop avec les gens tout de suite et je peux pas les amener à mon univers parce que je pense à eux, parce qu'ils sont devant moi et que du coup j'ai peur de leur jugement directement. Donc il faut faire abstraction de ça. Et peut-être j'aurais fait la chanson Punch au départ. Bah, d'ailleurs on avait discuté avec mon guitariste après, il m'a dit on aurait dû moins discuter entre chaque chanson et faire plus les chansons toniques dès le départ parce que c'était ça qui les maintenait en même. Couper le discours pour enchaîner chanson. Ouais. Parce que les gens sont là. Il faut laisser le moins de place à la discussion entre le public. Ouais, j'ai pensé à ça, ouais. Est-ce que tu connais Zaza Fournier? De nom, et puis je l'ai vu au Printemps de Bourges, oui, sur une scène, ouais. Est-ce que tu sens des similitudes ou... Eh ben, ouais, forcément, parce que elle assume aussi le seul en scène, donc... Et puis il y a un côté très drôle aussi, bien sûr, avec l'humour... Le décalage, donc chapeau. Toi aussi, t'es une fille de décalage. Ouais, je suis... On dit que t'es rock, folk, punk. Ouais. Le quoi, mais c'est lequel qui est peut-être le plus fort en signification là-dedans? Est-ce que c'est le punk, le folk ou le rock? Non, en fait, c'est un peu des expressions que j'ai données à tout ça, mais en fait, c'est punk dans le texte, on va dire, sur certains aspects. Folk... pour le côté balade et rock pour une chanson qui est très une bonne chanson. Mais c'est mes chansons sur le premier spectacle, c'est vraiment des styles très différents, une chanson funk, une chanson balade, variété, enfin, et c'est ça qui m'anime, moi c'est attendez, je suis pas fini, je vais vous montrer ça, je suis aussi capable de faire ça et tout et de vous avez entendu du rock là, bah, je vais vous faire une chanson calme. Ah, vous avez entendu une chanson calme, bah, je vais vous faire une chanson avec un texte un peu intello et vous allez voir, c'est très différent, ça n'a rien à voir. Donc c'est ça qui m'amuse moi, c'est ce qui met en haleine dans mon propre spectacle. Et toi, tu prônes aussi l'improvisation. Oui. Ah, oui, c'est vrai. Non, mais là, tu laisses place entre les chansons à raconter un peu. T'es un peu une conteuse. T'étais pas non plus arrivé chanson. En fait, pas tant d'improvisation que ça. Je suis conteuse dans le sens où... Tu prépares? Ouais, je prépare. Ok, c'est en... Ah ouais, c'est écrit. C'est écrit. Pourquoi? Sur l'ordinateur. Parce que... Sur l'ordinateur? Ouais. Okay. Parce que mes blagues, je sais pas naturellement raconter des blagues. Je sais pas, je manque de confiance en moi pour parler à des gens pour leur dire « Hey, il m'arrive un truc drôle !» Et puis en fait, bah non, ça tombe à l'eau parce que je l'ai mal raconté. Donc, ah, t'es une gaffeuse. Voilà, je suis très maladroite en fait dans ma manière de... D'annoncer les choses. Ouais. Du coup, je me suis dit que c'était bien de les noter. Parce que ça vient forcément d'improvisation, parce qu'à un moment donné, les spectacles commencent comme ça, où t'as écrit ton texte, ta musique, et t'as pas écrit en fait comment t'allais présenter. Puis à un moment donné, la première manière dont tu l'as présenté, tu dis « Ah oui, ça c'était bien !» Tu fais le point après le concert, et « Ah bah je vais le noter !» Et puis après, je l'apprends, ouais. Tu veux un peu... Comme ça, après, tu vois, je suis de couture. J'ai vu un spectacle, toujours de William Shirley, qui, avant chaque chanson, racontait l'histoire de sa chanson. Ah oui, mais faut pas faire ça. Enfin, moi, je n'aime pas le faire. Ah, mais je raconte... Bah, ça dépend comment il texte, en fait. Mais il faut dire que lui, il avait une carrière, il racontait un peu. C'est quand t'as 30 ans de carrière. Ouais, c'est ça. Puis tu veux parler des couleurs. Quand la musique arrive, c'est comme une couleur, le bleu, puis il commence à jouer. C'est beau, je trouve que c'est tellement bien amené. Non? Ah oui, mais si, carrément. Ben, c'est que William Shaler aussi écrit des chansons qui s'y prêtent bien. Enfin, j'ai pas vu son spectacle, je pense que son spectacle est génial. Hein. Non, mais il est sûr de lui. Mais. faire attention à raconter. Enfin, c'est parce que moi, je... Mais ça dépend de l'artiste aussi, là. Faut pas raconter ce qui... Enfin, faut pas. Je sais rien. Chacun ça dépend. Moi. Ça dépend comment la chanson est faite, mais... Moi, des fois, oui, je raconte. Enfin, je raconte. Disons que je mets en lumière, je dis « Ah, ça parle du réchauffement climatique. » En fait, la chanson n'est pas vraiment... Enfin, elle est quand même un peu grinçante. Donc, c'est bien d'expliquer. J'aime bien expliquer quand le texte, il est pas évident. Pourquoi tu veux pas placer un prologue à tes chansons? Est-ce que tu veux laisser place à la rêverie Je veux qu'en fait, la chanson se suffise en elle-même pour être l'histoire. Et que tout le monde suive déjà. Enfin, parce que je dis tellement, j'ai l'impression de dire suffisamment précisément les choses dans les chansons. Que parfois, les chansons. J'ai une chanson. Voilà, c'est ça. J'ai peur des redites. La chanson supporter de foot, par exemple, que je fais en concert. Voilà, c'est pas la peine de dire ma chanson s'appelle Les supporters de foot parce que je le dis suffisamment dans le texte. Oh, oui. Puis en plus, c'est faire ça en piano-voix, pas pareil, c'est le décalage. Donc. Ça va être suffisamment... Par contre, je peux les appeler, si vous aimez le sport, ou... Avancer le propos comme ça. Oh, ouais, c'est ça. Ou peut-être réchauffer la foule en leur faisant crier des hymnes ouais. Ou des... Oui, voilà, c'est ça. Non, mais complètement, les... Parce que là, quand le public est chaud, là, tu peux partir de ta chanson, on dit, tu sens un peu que... Ouh, il y a quelque chose, là. Ouais. On y va avec le piano. On va comme apaiser un peu le tout, mais on va les faire rentrer dans ma chanson avec ça. C'est ça. Est-ce que tu travailles, es-tu une fille qui bosse beaucoup ou tu laisses la création arriver puis après le jet sort tout seul? Non, je travaille beaucoup, enfin j'ai besoin de beaucoup travailler pour écrire une chanson. Je sais pas si je travaille, je travaille beaucoup dans le sens où je travaille sur la promotion, je travaille sur pour la création en elle-même, j'ai besoin de passer vachement de temps. Et une chanson que je suis en train de terminer là, elle sera terminée vraiment très bientôt, mais ça fait 5 ans que je suis dessus quoi. Je l'ai laissé au placard pendant 3 ans, mais j'ai ressorti le truc, je me suis dit « Ah bah, faudrait quand même la finir, j'ai pas d'inspiration en ce moment, je vais la finir, allez. » Et voilà, je pense qu'elle est bientôt terminée et il me reste plus qu'à bosser la musique maintenant. Mais qu'est-ce qui dit que ça soit terminé dans l'écriture? Quand... c'est comme une évidence. C'est un truc où... c'est bon. Ça y est, t'as obtenu. Enfin, la surprise de la chanson, c'est faite en elle-même. Enfin, c'est un truc où tu bosses. Et là, il y a l'équilibre des mots qui marche très bien. Et c'est une question d'équilibre, quoi. Où tu sens que l'équilibre il est parfait, que à la fois il y a la fragilité ou que à la fois il y a tous les sens que tu voulais y mettre. Et voilà. Parce que moi, j'aime bien aller chercher quand c'est multiples sens. C'est bien, ça va chercher plus de gens. Et j'aime bien les clins d'œil tout le temps. Donc, les clins d'œil, hein? Les chansons qui révèlent des surprises à l'intérieur d'elles-mêmes, en fait. Que tu les... Une fois l'écouter, ça suffit pas. Juste un refrain qui accroche, ça m'intéresse pas trop, quoi. Ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive, je t'en prie, ne sois pas farouche. Me vient l'eau à la bouche. Les